petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clip, crack, bang, zip, bam. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, ou bien, ou parfois même, petite fille dans mon comic strip, viens faire. Allez, viens dans mon comic strip. Venez les filles. On est là. J'ai deux femmes autour de moi ce soir. Alors, la pression? Oh, la pression, mais non, pas la pression. Je suis plutôt flatté, je suis content. Je vais attendre, c'est vous qui allez beaucoup travailler aujourd'hui. Moi, je vais un peu mener la technique, hein. On va faire ça, mais en tout cas, c'est quand même vous qui allez être spécialiste des sujets de ce soir. Et quel sujet, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas encore tout à fait défini, on hésitait encore entre plusieurs thèmes et on a eu la grande chance que Emma veuille bien intervenir ce soir. Donc on s'est dit, allez, on va profiter de cette spécialiste des petits ateliers qu'elle va peut-être nous présenter. Déjà, on va commencer par le cabinet de curiosité, déjà un terme qui donne l'eau à la bouche. Voilà, donc c'est la troisième émission de Moiteur et Tremblement, hein. Je rappelle un petit peu ce qu'on a pu voir jusque-là, la rencontre, hein, l'homme-femme, le premier rendez-vous, toute cette pression, l'homme se met la pression, c'est pas facile pour lui, hein. C'est Lou qui nous disait que c'était pas facile pour l'homme, hein. Défend les hommes, elle est très sympathique pour notre cause. Et puis, j'essaye, pourtant c'est dur. Et puis voilà, la femme aussi sur son premier rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle doit s'épiler? Est-ce qu'elle doit elle doit dire oui, le dernier verre et tout ça la première fois? Et là c'est moi qui ai défendu, c'est pas facile d'être une femme aussi aujourd'hui pour ses premiers rendez-vous. Et donc beaucoup d'empathie. Ouais, j'ai beaucoup d'empathie, oui. Mais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les femmes surtout, hein. On peut dire ça comme ça. Et on a eu une deuxième émission où là on était plus sur cunnilingus, fellation. Comment faire durer le couple aussi? C'était toute la rentrée. Comment on peut. Voilà. Et donc on a proposé un petit peu des thèmes autour de ça et du plaisir d'être à deux pour faire perdurer ce désir, pour pas que le quotidien vienne le bouffer. Et donc là, on est sur une troisième émission, et puis on s'est dit, tiens, on a parlé de fellation, on a parlé de cunnilingus. On tourne autour du sujet, la sexualité, on va continuer à tourner autour. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de masturbation, notamment. Et puis, d'éjaculation précoce. Ça sera dans la deuxième et troisième partie de l'émission. Mais c'est vrai qu'on a toute une première partie pour que tu puisses nous faire découvrir un petit peu ton activité. Et puis, tu me disais, pendant qu'on préparait l'émission, un petit peu tout ce qui est déterminant, tout ce qu'on se donne, toutes les limites qu'on se donne. C'était quoi le terme que tu utilisais tout à l'heure? La déconstruction des croyances limitantes. La déconstruction, voilà, des croyances limitantes. C'est un groupe de trois mots. Et il y a presque trois syllabes dans chaque mot. Bon, mon métier initial, c'est orthophoniste, donc fais attention. Pas de problème. On va vite passer un titre. Alors, donc voilà, on a Emmanuel avec lui. Attention à ce qu'on croit, tu vois, parce qu'on croit plein de choses qui nous empêchent de libérer notre corps. Voilà, et comme on est sur un travail de libération, hein, tu vas pouvoir nous aider et peut-être déconstruire certaines choses alors, et puis qui limitent nos auditeurs dans leur sexualité. Ou pas. On n'espère pas, mais... C'est souvent ou pas avec toi, hein. Non, il faut être optimiste, on va réussir. Voilà, en tout cas, je pense qu'ouvrir le champ des possibles, moi j'aime bien cette idée-là, on va essayer d'ouvrir le champ des possibles, réfléchir autrement, et puis essayer de comprendre pourquoi, en quoi la société, parfois, puisqu'on va pas tout mettre sur le dos de la société, mais des fois elle nous aide pas complètement quand même, et on a lourd pour revenir sur des années et des années d'images inculquées aux jeunes gens. Donc on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet avec Emmanuel, Lou et moi-même, Dim. Tout au long de l'émission, on sera ensemble jusqu'à 23h45 et un peu de prolongation si on prend du plaisir. Plus, voire plus si affinité. C'est ça. On se retrouve juste après Les Hommes que j'aime de La Rue qui est à nous. Thank you. Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Plus que les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées. Il faut les voir au petit jour se coucher tout étonnés du monde qui les entoure. Ils vont, ils viennent, ils traînent, ils parlent fort, ils ne parlent pas. Ils entendent des Carmen qui leur disaient viens par là, et chaque fois ils y vont. Et chaque fois ils en reviennent entre un ange et un démon. Ainsi j'aime les hommes que j'aime. Je voudrais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, ce sont des dents chiants qui savent le chagrin d'amour, des amitiés de survivants qui fêtent votre retour. Et quand passe un drame et que l'un de nous il touche, on se donne des prénoms de femmes et on s'embrasse sur la bouche. On dit c'est mon tour, je vais au bord de la Seine. J'écris au secours, ainsi même les hommes que j'aime. Vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aimais, je lève mon cœur à la tendresse de ces voyous qu'elle me porte un bonheur. Ce soir j'ai rendez-vous et j'irai comme je suis. Moi je ne changerai rien à toutes mes folies, à mon feu dans mes mains, à mon amour sans pudeur, à mon amour qui se déchaîne et même ça fait peur. Ainsi à mes hommes que j'aime. Vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, je voulais vous parler des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeter par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime. C'était la rue qui est à nous, les hommes que j'aime. Ouais, mais ça rend amoureux. Mais je suis tout seul, hein, par contre, les filles. Mais J'essaie de trouver un titre, l'homme que j'aime. L'homme que nous aimons. Mais et oui, puis je prendrai pour moi une dédicace des deux personnes devant moi. Je ne vais pas mettre une photo, on va laisser... Elles sont très jolies, je peux vous le dire, on va laisser... Mais le suspense, c'est bien aussi, l'imagination. Bisous à vos hommes, d'ailleurs, aussi. Accessoirement. Et donc, on disait qu'on était avec Emmanuel, on est invité sur cette troisième émission. Emmanuel, donc dites-nous un petit peu, alors oui, tu m'as un petit peu chambré en disant que tu étais orthophoniste de formation, soit, merci, donc je vais essayer de ne pas trop bégayer et d'articuler sur le reste de l'émission, mais tu vas nous dire un peu. On a des coupures de courant, on dirait. Ouais, allez, bon dos, la coupure de courant. Mais on s'est retrouvé. N'assume pas. Non, mais on s'est retrouvé une demi-seconde dans le noir. Hein. J'ai même pas eu le temps de me mettre tout nu. La bouche ouverte. Ouais, on était lancé, on était en train d'envoyer la présentation d'Emmanuel. J'espère qu'on nous entend bien. Alors, on n'a pas encore dit de gros mots. En plus, moi, je comprends pas. Hein. Je peux y aller, j'y vais. Ouais, vas-y, oui. Alors, la présentation d'Emmanuel. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi fais-tu? Pourquoi est-ce que tu viens? Pourquoi je suis là? Pourquoi je te demandais de venir? Ouais, c'est ça. Je participe au cabinet de curiosité féminine, qui est une plateforme web qui a été créée à Paris par des sexologues, deux jeunes femmes, et qui ont eu envie de diffuser des discussions autour des sexualités. des groupes non thérapeutiques, mais des endroits où on peut échanger. Et leur slogan, c'est « Le sexe est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement ». Donc, déjà, rien que ça, nous, ouais, ça nous plaît. Mal. On adhère voilà. totalement. Mm-hmm. Et elles ont créé un certain nombre d'ateliers. J'y suis allée, je leur ai proposé, parce que j'avais un parcours de thérapeute, de praticien, etc., d'animer des ateliers sur l'île, Roubaix plus précisément. Voilà pourquoi je suis là. Et c'est vrai que c'est des titres qui font envie. Alors, peut-être que le seul où il faut qu'on fasse attention sur ton titre, c'est que c'est pas du tout réservé aux femmes. Hein, non. Je crois que ça, non. C'est vrai que c'est important. Moi, ce que j'aimais bien dans ta démarche, c'était un côté un peu militant. Mm-hmm. Militant pour s'ouvrir, pour le couple, pour tous les couples. Mm-hmm. Elles disent d'ailleurs qu'il y a une majorité d'hommes qui lisent et qui consultent la plateforme. Ce qui est surprenant. Et elles ont gardé ce côté féminin parce qu'il y a un côté militant autour du féminisme, mais ce féminisme qui est peut-être actuel, qui est peut-être tout simplement que chacun puisse faire et vivre sa sexualité comme il en a envie, homme et femme. C'est vrai qu'on aurait tendance comme ça à penser en rapidité que les femmes sont peut-être souvent plus gênées, plus entravées dans leur sexualité, mais qu'effectivement c'est une démarche de couple, hein. Couple hétéro, couple homo, tous les couples qui existent. Mais voilà, c'est vrai que je crois que c'est important de préciser que ce n'est pas réservé ces ateliers que aux demoiselles. Ils ont été au départ et ils sont devenus mixtes le plus souvent pour la richesse que ça pouvait apporter, ces échanges. Je suis toujours là, vous inquiétez pas, j'essaie déjà la technique, je n'ai pas de connexion internet, je n'ai pas de retour dans mon casque, donc je vais, on va faire un petit peu du freestyle, comme tu dis, on va faire du loup, hein, le freestyle ça nous connaît. Et est-ce que c'est fréquenté? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a de la demande? Alors à chaque atelier, on en fait un par mois, on a eu jusqu'une quinzaine de personnes, ce qui était pas mal. Beaucoup de personnes sont intéressées, nous encouragent, nous disent que c'est vraiment très intéressant de mettre en place ces ateliers. Puis finalement, au moment de venir, de parler, d'échanger, il y a quand même un passage à l'acte qui n'est pas toujours facile à passer. La différence de tes ateliers, c'est que les gens se dévoilent physiquement. C'est-à-dire que là, nous, à la radio, des gens qui vont réagir sur la page, qui vont nous contacter, non pas à se dévoiler. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça de l'anonymat dès qu'on parle de la sexualité qui peut rassurer peut-être. Je pense que c'est pas si facile que ça d'y aller en tant que soi, avoir peur de rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Peut-être, oui. Alors on rappelle évidemment que c'est un cadre extrêmement bienveillant. Ça n'est pas un atelier thérapeutique. Et donc c'est simplement comme si on était autour d'une table en train de parler d'un sujet du quotidien. Et c'est un peu ce qui est souhaité par ces jeunes sexologues qui ont créé cette plateforme. On parle de beaucoup de choses, on parle de cuisine, on parle de littérature, mais on parle jamais de sexualité de cette manière-là. Soit c'est très sérieux, soit c'est très grivois, soit c'est très caché. Et là, c'est juste un endroit où on parle, c'est tout. Enlever les derniers petits tabous peut-être, essayer de s'autoriser. Mais déjà 15 personnes qui se déplacent et arrivent à toucher 15 personnes, je trouve que c'est déjà un beau succès, quand même, une belle fierté. Mais je crois que d'ailleurs, il y a une prochaine date, incessamment sous peu. Voilà, samedi prochain, donc le 14 octobre, sur Roubaix, dans un lieu qui s'appelle Bande d'Amis, BD Bande d'Amis. C'est un café-brasserie sur une plage horaire de 3 heures à peu près. Il y aura probablement le lien là sur le... On va vous mettre ça sur Facebook. Oui, on a une page Facebook, Moiteur et Tremblement. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et tous les sujets qu'on aborde, on en met les liens. Et donc, sur le cabinet de curiosité féminine, on mettra justement le lien sur le prochain atelier à Roubaix, en tout cas, parce qu'il y en a à Paris un certain nombre. Celui de Roubaix sera les plaisirs solitaires. Donc pas simplement celui dont on va parler ce soir, mais aussi tout ce qu'on peut faire autour de la sexualité, de l'érotisme, seul. Voilà, on va dire que si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à aller approfondir la question qu'on commence à aborder ce soir autour d'un petit café ou d'une petite bière samedi prochain. Et donc, on parlait en début d'émission des pensées limitantes, ou en tout cas des constructions limitantes. Je vais arrêter de le dire. Les pensées limitantes, c'est très bien aussi. Non, les pensées limitantes, ouais. Tu m'accordes? Oui. Très bien. Et pourquoi c'est important d'en parler? Qu'est-ce que tu repères comme pensées limitantes dans notre société? Ah ben, il y a des pensées limitantes dans tous les domaines, et il me semblait, en fait, ce qui me semblait intéressant, c'est d'aller dans ce domaine si particulier et si intime de la sexualité, en me disant que peut-être, si on arrivait à déconstruire à cet endroit-là, ça pourrait rayonner dans d'autres univers où peut-être les pensées limitantes sont moins visibles. Et quand on est concerné par une pensée limitante, notamment dans la sexualité, eh bien, on a peut-être plus d'enjeux personnels à pouvoir vouloir les déconstruire. Donc, c'était un petit peu l'idée. Est-ce qu'on paye pas, là, on en parle un petit peu pendant les sujets sur la masturbation notamment, un petit peu l'histoire de notre société aussi, les religions et toutes les limitations sociétales. Ouais, ouais, tout à fait. C'est beau ça. Ouais, c'est pas mal. Tu peux le garder. Et que ça se transmet de génération en génération encore, et que le sexe est encore tabou au final aujourd'hui. Ah bah, le sexe est assez tabou, la masturbation telle qu'on va l'aborder là maintenant encore plus est particulièrement tabou. Ça veut dire quelque chose d'assez repoussant. Ça veut dire se souiller la main. Se masturber, c'est se souiller la main. Ah oui. C'est vrai que l'étymologie vient quand même souvent nous éclairer sur les premières significations qu'on a mis à ce mot-là. Donc tout à l'heure, ça qu'on rigolait, on disait mais c'est une erreur parce que déjà on n'est pas obligé d'utiliser la main pour se masturber. Mais deuxièmement, ça vient vraiment porter un jugement de valeur sur quelque chose qui est soi-disant avilissant. Et je pense que là, on va revenir sur le côté militant, mais il y a vraiment quelque chose où je pense qu'il faut défendre cette masturbation et dès le plus jeune âge et dès découvrir son corps, mais effectivement pour la sexualité, mais comme tu dis, pour aussi rayonner dans tous les autres domaines de la vie, je crois. Et puis en plus, là, je vois votre atelier, il est tout de même appelé plaisir. Voilà, donc qui est le mot plaisir aujourd'hui. Oui, oui. Donc peut-être qu'avant, effectivement, il y a peut-être un peu moins cette notion de plaisir, et peut-être que plutôt dérive. Et d'où l'étymologie peut-être du mot masturbation, et qui a été considéré à une époque comme une dérive. Et on commence un petit peu à que ce soit même chez les enfants, chez les ados, dans l'éducation à la sexualité, parler de plaisir. Et c'est peut-être important. Alors on en parle régulièrement, on fait souvent le lien avec la pornographie. Et c'est vrai que la sexualité a été connotée reproduction. Voilà, c'était un acte pour se reproduire. C'était un acte avilissant à certains moments, et souvent on voit que c'est plus toléré chez l'homme que chez la femme. Et puis après, c'était avec la pornographie l'arrivée et la diffusion et la facilité de trouver le côté un peu performance aussi, sexualité. Et au final, le plaisir commun est un petit peu mis de côté. Et c'est vrai que l'éducation se fait aujourd'hui de plus en plus avec la pornographie, et c'est pas le meilleur modèle pour apprendre sur ce que c'est que le plaisir. Non. Parce qu'il est simulé. C'est vrai que ça sera aussi une de nos futures émissions où nous, on va plutôt lutter contre certaines formes. Je dis bien certaines formes parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance que la pornographie se soit ouverte et soit quand même un petit peu plus différenciée. Mais il y a de plus en plus de réalisatrices et de demandes féminines aussi. Donc il faut adapter aussi les produits, en tout cas le film, les tournages, la façon de filmer, les scénarios, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais en tout cas, même la façon de filmer, les filtres, la sensualité est une demande chez les femmes qui regardent la pornographie. Et donc la demande commence à s'adapter, donc on trouve de plus en plus justement des choses autour du plaisir, même en pornographie, c'est plutôt bien. C'est vrai. Après, dans l'image, dans les préconçus qu'on peut avoir un petit peu sur la masturbation, on entend souvent qu'à partir du moment où on est en couple, on ne devrait plus avoir besoin de la masturbation. Il y a quelque chose comme ça, je trouve, dans l'idée commune, qui est que si tu te masturbes et que tu es en couple, c'est que tu n'es pas épanouie. Et ça, vas-y, fais-nous plaisir. Dis-nous ce que t'en penses. Déjà, c'est peut-être intéressant de revenir un peu sur comment ça se met en place, finalement, ce plaisir solitaire. Et c'est très naturel. C'est le bébé qui va auto-érotiser son corps. et il va le faire avec ses mains. Il va sucer, il va se toucher, et y compris le sexe, qu'il ne va pas contourner comme on peut le faire quand on nettoie un bébé ou quand on nomme les parties du corps, sauf le sexe. Et l'enfant qui va se masturber va le faire de manière extrêmement fréquente. Il va se frotter. Très naturel, oui, c'est voilà. Vrai. Il va se frotter partout, sur son petit cheval à bascule. De façon naturelle. Alors, faire le lien entre cette stimulation et le plaisir que ça peut déclencher, c'est autre chose. Il n'y a pas toujours d'orgasme, mais simplement une stimulation. Et ça va être par être dans le bain, utiliser le jet du bain, les jouets en général. Et il y a vraiment une idée de plaisir solitaire, parce qu'il n'y a pas de partenaire. Mmh. C'est vraiment auto-érotiser son corps. La découverte, hein. C'est vraiment voilà, c'est au ça. Même titre que voilà, découvrir la bouche, les autres parties du corps. Voilà. Je pense qu'il y a comme ça quelque chose de naturel où l'enfant ne voit pas encore le mal à découvrir cette partie oui, du corps. Oui, contrairement aux adultes qui, quand ils surprennent cet enfant, auront tendance de manière assez naturelle aussi. Presque instinctive. Instinctive, alors que c'est juste le fruit d'une éducation, de les regarder. Alors, même s'ils ne disent rien, ils auront le regard, ils auront le silence, ils auront le comportement qui fera penser à l'enfant qu'il a fait quelque chose de mal. Une posture inconsciente, on le sait bien, qui n'a pas forcément besoin de dire deux mots. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat. Alors là, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à dire très rapidement à un enfant, sans l'interdire, au moins le limiter dans une forme d'intimité. C'est ça. Lui apprendre. Alors, dès lors qu'il comprenne ce que c'est que l'intimité, mais les premiers temps, il ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Et si, effectivement, si c'est... Si on voit qu'il y a trop de stimuli, il y a trop de stimulation, il y a trop de masturbation ouverte, alors on peut se poser la question non pas d'une perversion de l'enfant, mais d'une angoisse sous-jacente et de quelque chose qui serait une expression de son angoisse. Un besoin de se calmer comme un autre. Voilà. Ça veut dire qu'il a aussi des ressources, cet enfant, qui est capable de gérer un sentiment quel qu'il soit avec un moment qui lui fait du bien. C'est ça. Et en grandissant, on se rend compte que ça s'accentue, et ça va s'accentuer jusqu'à la puberté. Et on peut rassurer tout le monde, les garçons, les filles, les adultes, ça n'affecte pas les capacités mentales, ni physiques. Ni auditives, comme disait le vieux proverbe de nos grands-mères. Mais ça oui, rend ça rend sourd. Pourquoi on nous dit voilà que ça rend sourd ? Voilà une croyance limitante. Ah. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Oui, tu es là. Ça rend sourd, non mais... Non, mais ça va. Mais c'est vrai que c'est là, on disait, dans l'histoire, on a eu les religieux qui, au bout d'un moment, peut-être débordés par justement les interdits qui n'étaient plus respectés, se sont tournés vers une caution plus scientifique. Oui. Et les scientifiques se sont tournés vers des études, ont fait des expériences et auraient trouvé que... ça pouvait donner des maladies, des dégénérescences, et notamment auditives. Notamment auditives. Ouais, mais comme quoi la projection, à un moment donné, du puritanisme, enfin, moi j'appelle ça sous ce terme-là, mais je pense que c'est des adultes qui ne pouvaient tellement pas assumer leur propre désir et leur propre rapport au plaisir qu'ils avaient besoin de projeter des choses très négatives là-dessus. C'est surtout que chez la femme, il n'y avait pas de lien du tout entre la sexualité et le plaisir. Hein, chez l'homme, à la limite, ce qui accompagne l'orgasme va être une source de plaisir, tandis que chez la femme, qui va être dans un acte sexuel pour la reproduction, l'orgasme chez la femme n'est pas du tout nécessaire à la procréation. Voilà. Donc, dans cet invariant, finalement, la femme a perdu énormément de temps dans l'acceptation par elle-même de la recherche du plaisir. Mais il y avait quand même comme une sensation qui venait régulièrement la titiller, puisque à une époque, juste après ces époques un peu puritaines, ce sont les scientifiques qui se sont penchés sur ces états d'hystérie rencontrés chez les femmes et qui se mettaient à consulter le médecin. parce qu'elle se sentait dans des états modifiés. De grand mal. De grand mal, voilà. Et le médecin a observé que lorsqu'il proposait un massage vaginal, la femme rentrait en crise et après cette crise se sentait soulagée. Et le lien n'était pas fait entre cette stimulation et l'orgasme. C'était simplement le fait de soulager de manière médicale. Alors on peut imaginer ce qui a été créé juste après. Cet objet magique, mécanique. Ouais. Le masseur de joues. De... le célèbre masseur de joues chez un vendeur par correspondance. Redouté. Oh, c'est beau de pouvoir... Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire de marque, donc tu as très bien fait. Mais oui, effectivement, dans les croyances et puis dans justement ce catalogue, il était présenté comme un masseur de joues. Mm-hmm. C'était tabou de dire que c'était un jouet sexuel. Oui. C'était très très c'était un des objets les plus vendus du catalogue à l'époque où il est sorti dans les années assez ancienne, c'est sûr. Assez ancienne. Ce qui est assez intéressant, c'est que je me dis des gens, des scientifiques, hein, puisque l'hystérie a quand même été décrite par plein de scientifiques, qui ne puissent pas voir le plaisir féminin à ce point-là, qui ne puissent pas l'entendre, qui puissent eux-mêmes être tellement empêtrés dans leurs propres convictions, qu'ils aient besoin de mettre du scientifique et le nom de massage. Moi, je trouve ça assez magique de se dire qu'ils ont pu se berner eux-mêmes à ce point-là. Aujourd'hui, quand on regarde ça avec du recul, on se dit mais comment ils ne pouvaient pas réaliser ce qu'ils faisaient ? Mais en fait, ils construisaient leur avancée sur ce qu'ils savaient et ce qu'ils imaginaient. Mmh. Donc au final, là, ils ont découvert un petit peu ça. Alors c'était à l'époque une révolution. Et puis après, on continue. Et puis en fonction de ce qu'on connaît, des croyances même scientifiques, on continue de découvrir. Et puis on en arrive, je veux dire, dans 100 ans, les scientifiques diront qu'aujourd'hui, on se plantait. Voilà. Donc voilà, c'est pour beaucoup de choses, beaucoup de découvertes et tout ce qui est scientifique. C'est en fonction de ce qu'on connaît déjà, c'est en fonction des mœurs de la société. Oui. Alors après, pour plein d'autres choses, on parle aussi des lobbies et des voilà. On disait un petit peu en préparant, c'est vrai que les religieux sont tournés vers les scientifiques, mais c'est vrai que les médecins exerçaient dans des hôpitaux qui étaient plutôt des hôpitaux religieux en fait. Et donc c'était influencé aussi par rapport à la commande. Il y avait une commande scientifique et quand tu cherches, je veux dire, les religions disent, il va falloir que vous trouviez quelque chose de négatif sur la masturbation. Mm-hmm. Et quand on cherche quelque chose, on le trouve. Mm-hmm. Et donc si on a un point de vue négatif ou en tout cas une recherche et on se donne des moyens de trouver avec cette injonction négative, effectivement on trouve. Alors ça change. C'est très bien. Mm-hmm. Oui, ça change. Et puis il y avait surtout pas de d'enquête. Il y avait pas de sexologie. En fait, c'était une spécialité qui n'existait pas, donc on n'osait pas interroger les personnes. Et dès lors qu'on s'est mis à les interroger, donc c'est Kinsey qui a fait un rapport dans les années 50 aux États-Unis, et il s'est rendu compte simplement en posant la question aux personnes que l'adultère, la masturbation, l'homosexualité, la bisexualité étaient présents dans les couples, dans les pratiques, et que tous ces tabous étaient levés grâce à ce rapport. Ce qui a ouvert les portes de la révolution sexuelle dans les années 60 et 70. Alors là, c'est là où on utilise les vibromasseurs, les gonne-michés, qui ont toujours quand même une apparence très phallique. Oui. Hein, et ça, ça va un petit peu à la fois se déconstruire, avec tous ces jouets vibrants, ces petits sextoys qui vont arriver sur le marché et qui vont permettre aux femmes de rentrer dans une dimension ludique en dehors de la dimension phallique. Mais des jouets de femmes, les jouets d'hommes commencent à arriver. On en voit aujourd'hui. Mais à l'époque, est-ce que... Alors, moins que ce jouet phallique était aussi utilisé pour les hommes et leurs... certains besoins, peut-être, certaines envies. C'est vrai que le gonne-michée n'est pas utilisé que par les femmes. Non, mais il était destiné à ça au départ, principalement. Alors, peut-être qu'il était après utilisé par les messieurs, mais c'est vrai que les jouets étaient pour dire, voilà, il n'y a qu'un jouet qui pourrait donner plaisir aux femmes. Mm-hmm. Ça pourrait se faire que de façon mécanique comme ça, mais pourquoi ça ne se fait pas en couple et sans jouets ? Oula, précise ta pensée. Bah là, on a inventé les plaisirs, ouais. les jouets de plaisir pour les femmes. Je pense qu'on se trompe parce que le caniche est très ancien en fait. Hein. Mais c'était un oui d'accord. Des objets de forme phallique. Non. Mais c'est que les femmes n'étaient pas assez contentées par leur sexualité avec les hommes, qu'elles avaient besoin d'un... Voilà, une croyance limitante qui arrive au galop. Mais c'est des questions, justement. Oui, c'est une question. C'est une question pour essayer de déconstruire tout ça, mais on pourrait se dire... parce que, c'est peut-être une question, alors peut-être sur la page Facebook, n'hésitez pas à réagir, mais si un homme découvre un sextoy dans le tiroir de sa femme, est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment une possibilité d'une forme de jalousie de l'objet qui lui redonne plaisir et donne du jeu parce que peut-être que moi je n'y arrive pas et donc il y a de ça qui pourrait arriver. Mais je pense que c'est vraiment comme on m'a dit tout au début de l'émission, ce qui peut bloquer dans les couples cette sorte de penser que c'est parce qu'on est frustré qu'on va avoir à faire à utiliser des objets externes alors que heureusement que non. Ouais. Alors en réalité, justement, cette expérience initiale sur son propre corps va être vraiment l'expérience nécessaire pour avoir un apprentissage du savoir-faire sexuel. D'abord tourné vers soi-même et on va pouvoir dire et penser je me touche. Donc je suis une personne et j'apprends à me toucher, donc je peux te guider. Pour ensuite partager avec moi le plaisir. Et en se masturbant, en se touchant, alors je fais volontairement, j'utilise ce terme parce qu'il est dit que les femmes vont avoir du mal à utiliser ce mot-là. Elles vont beaucoup utiliser le terme « je me caresse »,« je me touche ». Et les femmes ne se masturbent pas, les hommes se masturbent. C'est vrai que dans l'imaginaire, c'est plus masculin. Parce que, on va dire que c'est... couramment, c'est accepté. Hein, les hommes, pour devenir hommes, il faut qu'ils se masturbent. Ouais, faut c'est valorisé. Et c'est valorisé. Pour la virilité. Voilà. Mm-hmm. Alors que la femme, c'est tout de suite vu d'un côté plus tordu. Ou parce qu'elle est frustrée. Alors que non, elle a peut-être juste envie de prendre du plaisir et encore plus. Ouais. Et elle met en place en plus un patrimoine gestuel qu'elle va pouvoir partager ensuite avec son partenaire. Parce que c'est, on ne le dit pas suffisamment, ce sont les personnes qui se seront masturbées dans l'adolescence, au cours de leur adolescence, qui seront elles vont créer le terreau pour la vie érotique à l'âge adulte. Et c'est cette masturbation qui sera à l'origine. Et c'est un peu difficile de rattraper ensuite, une fois qu'on est à l'âge adulte, parce qu'on a tout à apprendre, mais de manière beaucoup moins intuitive. Il faut raisonner autour de ce geste qui est si naturel. Et qui est associé des fantasmes, associé un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'arriver à non pas simplement une stimulation qui déclenche l'orgasme en quelques secondes, mais à vraiment une caresse érotique. Un plaisir, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase de patrimoine dans le côté un peu militant. Effectivement, la masturbation, on en parlait un petit peu lors de notre dernière émission. Mieux on se connaît, mieux on guide le partenaire. Donc, ce n'est pas un plaisir que solitaire. Alors, même si ça commence par du plaisir solitaire, moi, je suis convaincue que la finalité peut être vraiment ou dans le couple, ou dans les relations qu'on va avoir. C'est vrai qu'une femme qui se connaît, un homme qui se connaît, un homme qui a rencontré différentes femmes aussi, qui a l'habitude d'être à l'écoute des femmes, va pouvoir quand même guider beaucoup plus et beaucoup plus, de façon plus attentionnée, en fait, ouvrir à cet érotisme. Justement, pas que la sexualité pure. Je pense que c'est là où on ouvre tout le champ de l'érotisme. C'est ça, c'est cette dimension-là. Même Jacques Weinberg, qui est un sexologue émérite, dit « Le couple n'entre pas en situation de communauté charnelle tant que la main ne prend pas possession du sexe de l'autre. » Ah, c'est... Et c'est aussi une manière de donner son consentement. Parce que parfois, on peut imaginer que l'acte sexuel, s'il est simplement tourné autour du sexe, des deux sexes qui se rencontrent, peut être fait de manière assez détachée. Tandis que lorsque les mains peuvent s'aventurer sur le sexe de l'autre, il y a un consentement mutuel qui est donné pour la suite, ce qui va arriver plus tard, la rencontre des sexes et de tous les orifices possibles. Hein, je suis d'accord pour qu'on se pénètre. C'est peut-être le préambule, cette manière d'offrir son sexe à la main de l'autre. Oui. Et après, tu disais qu'il y avait aussi une forme de mémoire. Et c'est vrai que même dans la découverte du corps de l'autre et de son fonctionnement, on a beaucoup plus de sensations et de mémoire sensitive avec les mains, avec les doigts, au niveau du toucher, qu'avec son sexe. Les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est vrai que la première découverte aussi de l'autre, le premier chemin vers donner du plaisir à l'autre, c'est d'aller découvrir son sexe, de se le faire découvrir. Voilà, par du guide, par justement la femme qui connaît son appareil et qui le fait découvrir aussi à l'homme. Et donc ensuite, voilà, il y a toute cette mémoire qui se fait au niveau de la gestuelle et au niveau du tactile. Et puis après, on parlait même de cunnilingus la dernière fois, où les sensations avec la langue et les zones ne sont pas les mêmes. En tout cas, on n'a pas les mêmes repères. Donc c'est encore une nouvelle fois une façon d'apprendre. Et donc encore une fois, là même, avec la langue de son partenaire, il faut guider, il faut apprendre. La femme engrange aussi des sensations, elle sait la vitesse, la puissance, la force, l'endroit, et donc il faut qu'elle puisse le dire en fonction aussi de ce qu'elle ressent et de sa mémoire pour pouvoir après guider l'homme. Il faut que l'homme soit attentif pour se rappeler qu'est-ce qui a donné du plaisir, à quel moment et comment. Et puis après, avec son sexe, c'est la même chose en fait. Hein. Après, on n'est pas juste dans le va-et-vient. Il y a aussi toute une mémoire à avoir et tout un presque des repères dans l'espace en fait. Hein. On est un petit peu. Je peux pas dire qu'il faudrait presque en sexualité faire des cours de psychomotricité, mais on est aussi un petit peu dans ce rapport à l'espace, au toucher, à la sensation. Mm-hmm. Ouais. Il est bon des fois de prendre des petits détours avant d'arriver l'acte en lui-même. On continue pour le sujet de la masturbation en deuxième partie d'émission. On va se passer un petit titre de Adrienne Poli, L'amour avec un con. Autant les hommes que j'aime, je le prenais pour moi. Autant l'amour avec un con, je vais le laisser avec un autre. Hein, ça vous va? Et puis on se retrouve juste après dans Moiteur et Tremblement. On est ensemble une bonne partie de ce début de nuit. À tout de suite. Mais dans le fond, tout le monde est seul. C'est pas con. J'ai fait l'amour sans un frisson. Un con détestable. J'ai fait l'amour avec un con. Un con. Pourquoi j'ai pas discuté? C'est ça qu'on fait. Non, c'est pas un conte de fées. Pourquoi j'ai bu tous ces verres? Le contact n'était pas bon. Pourquoi j'ai pas mis mes verres? Le contact c'est trop con. Le compte en addition. Et puis le mouton. Le temps de lui dire à quoi bon. Et mon compte était bon. Pourquoi j'ai pas poussé? Pourquoi je l'ai poussé dans mon lycée inconnu? Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. J'étais bourrée inconséquente, j'étais condamnée inconsciente. J'ai fait l'amour à contre-cœur. Il m'a même pas embrassé. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. Sortir, oui, oui, mon Dieu, fait qu'il se tire. Je fais l'amour avec. Parfois on se sent si seul. Mais dans le fond, tout le monde est seul. C'est pas con. Comment tu t'appelles déjà? J'ai plus, j'ai pas. Ah, si j'étais plus concentré, tout serait moins compliqué. Comment tu t'appelles déjà? J'ai plus, j'ai pas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Surtout me rappelle pas. Bon, mais pas. Aussi des fois un peu par la tête, pas que. C'est vrai que c'est plus difficile de lâcher prise. Tu disais parce que je ne t'ai pas rebranché au moment où tu parlais. Oui. Je sens bien que t'as quelque chose contre moi depuis. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais. Et j'ai... Laisse-moi un peu le temps de monter. Ah, tu connais mon impatience. Non, alors, ce disais, petit titre un petit peu pour dire comme quoi l'amour passait aussi par la tête des fois, qu'il fallait être séduit pour se libérer, mais ça me faisait, j'avais envie de vous faire partager une petite réflexion qu'on a eue sur notre page Facebook, un petit aparté qui nous a tous fait sourire, un de nos auditeurs qui nous disait si je trouve un vibromasseur dans le tiroir de ma femme, je regrette de ne pas lui avoir acheté avant. Donc ça nous a tous fait sourire, mais effectivement, le nombre de fois où dans le couple on s'interdit d'y penser parce qu'on cherche à protéger ou à ne pas vexer, et du coup on freine le couple, on freine, voilà, toujours de ce sacro-saint silence pour pas blesser, alors que je pense qu'effectivement ça c'est peut-être la base de tout, hein, pouvoir parler dans le couple et ouvrir le champ des possibles. Je me dis aussi que ça peut rester un plaisir solitaire aussi, égoïste et sans l'autre aussi. Tu vois, donc même voilà, même si madame n'a pas envie d'utiliser son vibromasseur avec monsieur, mais qu'elle l'utilise bien et qu'elle se fait plaisir avec, il n'y a pas non plus une obligation de tout partager. C'est aussi le message qu'on veut dire dans la masturbation, c'est que là on est en train justement de dire qu'il faut parler, qu'il faut partager et que ça peut se faire à plusieurs. Ouais. Mais ça peut continuer à se faire seul tout au long de sa vie de couple. Et c'est vrai que c'est toujours de ça, mais pourquoi elle, pourquoi il se masturbe, il pense à qui? Elle pense à qui quand elle fait ça? Mais dans ces cas-là, on peut se poser la question aussi en faisant l'amour. Oui. On n'est pas obligé de penser à notre partenaire quand on fait l'amour. Mais c'est toutes ces questions et ces abruries et qui limitent encore une fois justement l'ouverture et puis la tolérance aussi au final. Parce que... si elle me dit, écoute, je me suis masturbé en pensant à Brad Pitt, c'est pas trompé quand même. Je pense qu'à partir... Si elle pense au voisin, à la limite, je peux me dire, ça peut me gêner, elle pense au voisin. Maintenant, si c'est Brad Pitt, si c'est un autre beau gosse, grand, musclé, tout ça, écoute, voilà, il a ce que j'ai pas, écoute, fais-toi plaisir. Tant que tu continues à te faire plaisir avec moi aussi, avec bien sûr. Et en même temps, pouvoir s'autoriser à fantasmer sur quelqu'un d'autre et rester avec le partenaire, c'est aussi se dire que, voilà, il y a le fantasme et il y a le plaisir de retrouver l'autre et de le retrouver autrement. Effectivement, moi, je me dis que plus on est dans le plaisir, plus on a plaisir à retrouver l'autre aussi dans l'intimité. Et puis on entretient au final. On entretient aussi tu vois, encore une fois, tu parlais de terreau. Au final, tu entretiens ton jardin et tu jardines un petit peu, si on prend l'image. Mais tout seul, mais tu entretiens pour justement qu'il reste beau, disponible à l'autre aussi, aux visiteurs. Sensible. Aux visiteurs. Tu vois, comme ça, en improvisation, j'ai trouvé une belle image. Tu trouves pas? Ce jardinage. Super. J'avais senti qu'à partir de 23h, c'est ce que vous m'aviez dit. Il y avait une bascule. Il dit poète. Oui, mais moi, je reste poète. On a Ariel qui bascule d'un autre côté. Moi, je suis plus poète. Je suis sage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'écoute. Moi, je suis scolaire. Moi, j'écoute. Dis-nous pourquoi ça vient de se masturber. Oh, ça a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça déstresse. C'est un antidépresseur, ça calme. Enfin, le but quand même de la masturbation, c'est l'orgasme. C'est quand même le but. Et une fois qu'on a obtenu cet orgasme, on peut trouver le sommeil, on peut se sentir belle, on peut se sentir, un peu différente. Dans l'apprentissage de son propre corps, on va découvrir toutes ces zones érogènes. Et parce qu'on les a découvertes, on l'avait dit tout à l'heure, on va être beaucoup plus à même de découvrir celles de son partenaire aussi. Hein, puisqu'on sera dans la recherche du plaisir et des zones qui vont procurer du plaisir. Et tu parlais tout à l'heure de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, c'est toute la dimension du fantasme hein, qu'on va associer à la masturbation au fur et à mesure qu'on va grandir. Chez l'adolescent, la masturbation, ça va être plutôt... plus mécanique part, et puis surtout pour évacuer une tension sexuelle qui se met en place et puis s'assurer que ça fonctionne bien. Et plus on va avancer et plus finalement on va associer le fantasme et donc reculer le moment pour les hommes de l'éjaculation pour pouvoir rentrer justement dans ce moment plus érotique et dans cette recherche du plaisir qui va pouvoir s'allonger en durée. Et donc la masturbation jusqu'à l'orgasme ou pas ? Alors, est-ce qu'on parle de masturbation si on ne va pas jusqu'à l'orgasme ? Enfin, comment ? Voilà, si tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus. Ouais, c'est quand même un petit. Ouais, c'est quand même ce qui est dit. L'objectif de la masturbation, ça va être de déclencher l'orgasme. Alors après, ça peut être aussi un moyen. D'approcher l'orgasme, de s'amuser avec ce moment de bascule pour justement s'entraîner, hein, alors qu'on est seul, s'entraîner aux limites éjaculatoires pour pouvoir ensuite, quand on est avec un partenaire, s'amuser plus longtemps. Ouais. Sans avoir à se préoccuper de cette stimulation de ce frottement, etc., qu'on aura expérimenté par ailleurs. C'est une première introduction à la suite de notre émission hein, sur l'éjaculation précoce. Ouais. Ah, bien amenée, hein, quand même. Mmh. On voit qu'elle a l'habitude d'animer. Ouais. Mais oui, la décharge et le bien-être, je crois que ça... C'est assez marrant, comme quand on parle d'orgasme, on a du mal à dire à quel point ça fait du bien, mais du bien de façon... général. Alors, on va pas être comme les scientifiques hein, à chercher à savoir si ça fait pousser les cheveux ou si t'as moins mal au crâne après. Mais sans faire d'études scientifiques, on se rend bien compte qu'il y a quand même du stress. Alors, le sommeil, c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est la caricature des hommes. Mmh. Après, ils s'endorment après. Après avoir fait l'amour. Mmh. Mais je pense que oui, parce que les femmes ne s'autorisent peut-être pas assez à avoir le droit à ce plaisir-là. Et pourquoi pas à lâcher juste après cette détente, profiter de... Mmh. Ça aussi, c'est une construction. Hein, la femme doit continuer à être aimante, caressante, attentive. Et donc elle continue. Elle endort son mari, alors elle le berce. Elle est là, elle le berce, oui, elle le rassure. Hein. Ah ouais. Elle lui dit c'était bien. Ouais. Hein, alors qu'elle aimerait bien juste pouvoir se tourner vers elle-même. Et lorsqu'elle est dans un couple où elle peut le faire, elle peut se tourner vers elle-même. Ouais. Et si son mari, son partenaire ou sa partenaire a été plus rapide, peut continuer à se masturber, tandis que son compagnon, sa compagne s'endort. Oui, ou après inviter le compagnon à continuer aussi avant de s'endormir. Peut-être qu'il a envie de dormir, se reposer. Après, qu'il a une période réfractaire et contre laquelle il ne peut rien faire. Donc autant qu'elle en profite. Oui, alors réfractaire au niveau du sexe, mais après au niveau des mains, au niveau de choses, ça peut continuer. Physiologiquement et chimiquement, c'est un peu difficile parce que c'est un moment où on est rempli d'endorphines. Donc, pour l'homme. Donc c'est un peu difficile de se remettre en mouvement, mais c'est possible. C'est possible de le faire de manière volontaire. Oui, je pense que c'est possible. tu dis que c'est possible. J'en suis sûr. J'essaierai un jour. Oui, non, mais on essaye de pas rentrer dans notre vie personnelle Non, chacun. Non, mais pas du tout. Mais voilà, effectivement, il y a le côté effectivement de dire comme tu dis, la femme, elle donne du plaisir, et puis l'homme l'a pris, se retourne et s'endort. C'est ce qu'on lui a appris. Ouais. On lui a appris d'une part qu'elle était un réceptacle, qu'elle devait donc accueillir un phallus, et que tout son plaisir allait tourner autour de cet événement-là. Et finalement, lorsqu'on peut détacher tout ça, même dans les couples hétérosexuels, on peut avoir une sexualité qui va être qualifiée parfois d'homosexuelle. On peut être dans la stimulation des organes sans être complètement focalisé sur le phallus. Et je suis encore en train d'introduire le sujet qui va suivre. Eh bien, on y va alors. On y va, on commence à en parler, on se repassera un titre et puis on clôturera. Enfin, on clôturera, on aura encore du temps pour entrer dans les détails. L'éjaculation précoce, donc. C'est vrai que l'orgasme précoce chez la femme peut être un problème aussi. On n'a pas décidé d'en parler ce soir, mais c'est vrai que tout de suite pour un peu déculpabiliser et que la jouissance précoce n'est pas que un problème d'homme. Mais c'est vrai que, on va dire, autant il y a un orgasme précoce chez la femme, on peut continuer. C'est ça, elle n'a pas de période réfractaire, elle peut continuer et elle peut avoir des orgasmes multiples. Ouais. Donc c'est pas gênant finalement. Voilà. Alors que l'éjaculation précoce, effectivement, eh bien, on l'a toujours en ligne de mire. Ça va m'arriver, ça va pas m'arriver. Et puis une pression qui est mise sur les hommes. C'est une pression aussi. Qui est mise sur les hommes. Je vais à nouveau défendre la cause masculine, mais je pense que c'est une des insultes les plus fortes qu'on peut faire à un homme et qui touche quand même. Tu avais un chiffre, je crois. Tu nous disais un tiers. Non, c'est énorme. Oui, un tiers des hommes. Un tiers des hommes qui consultent dans les cabinets sexologie consultent pour cette raison-là. Alors, pour tout de suite planter le décor, on parle d'éjaculation précoce quand, comment? Alors, ça c'est important parce que finalement, la précocité de l'éjaculation est physiologique. L'éjaculation intervient à peu près moins de 10 secondes. Mais ça c'est pour la reproduction. Donc ça c'est un invariant. Donc lorsqu'on parle d'éjaculation précoce, finalement, on parle de l'éjaculation normale. Elle devient précoce dans un rapport qui sera un rapport érotique. Qui est un rapport où il y a une recherche de plaisir. Et cette précocité, elle est fonction de cette recherche de plaisir. Mais pour la reproduction, c'est ce qu'on voit dans le règne animal, il faut que ce soit rapide efficace. Et parce qu'en plus, on est vulnérable pendant la reproduction. Et parce qu'on est vulnérable, tout à fait. Et un autre invariant qui va un petit peu en miroir de ça, c'est que la femme, on en a parlé tout à l'heure, l'orgasme féminin n'est pas du tout indispensable à la reproduction. C'est le deuxième invariant et le troisième, c'est la période réfractaire. Donc quand on met tout ça ensemble, on se retrouve finalement avec une pression sur les hommes, sauf à se reproduire lorsqu'ils doivent rentrer dans une phase de leur vie ou de leur sexualité qui est plus érotique. Eh bien, sont confrontés finalement à un travail qui aura été fait dès la petite enfance, avec un regard bienveillant des parents, une éducation ouverte, la masturbation qui aura été faite de manière naturelle, acceptée à l'adolescence, associée à des fantasmes et pas à des films pornographiques. Ouais. Et tout ça, c'est un chemin, on se rend compte, qui est très complexe pour arriver à une sexualité épanouie. On se rend compte de tous les obstacles qu'il faut surmonter pour arriver à une sexualité épanouie. Et puis, il y a aussi l'orgasme féminin qui arrive, qui met plus longtemps à arriver que l'orgasme masculin. Et il y a ce décalage, cette course après le temps, en fait. Et c'est-à-dire que je dois durer le plus longtemps possible jusqu'à l'orgasme de madame, parce que si je n'y arrive pas, et ben ça voudrait dire que je serais arrivé précocement. Alors que non, pas forcément. Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Mais c'est vrai qu'on a, l'idée de se dire, si on n'est pas arrivé ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce mythe de l'orgasme ensemble, au même moment. Dans les films avec des papillons et puis des belles roses. Ça arrive, ça peut arriver. Et c'est vrai que c'est intéressant comme moment, c'est intéressant à vivre. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité des rapports qui. C'est pas le but. Ça peut arriver, Oui, c'est possible. C'est un bonus. C'est un bonus, il faut le prendre comme ça. Et puis après, il y a aussi, et on parlait de pression, donc on donnera un petit peu les causes, un petit peu de l'éjaculation précoce, mais ce stress, cette course au temps, au final, est un cercle vicieux dans lequel on va arriver trop rapidement. Alors que si on se dit de façon détendue, de toute façon, si j'arrive avant elle, je continuerai de la caresser, je continuerai à prendre soin d'elle après, ou elle pourra même le faire toute seule si elle le souhaite, et je l'y encourage et je l'autorise, enfin parce que aujourd'hui on est très cérébral et on est encore sur des représentations d'avant. Et ben des fois se relâcher de cette pression en disant c'est pas grave, il va tout de même se passer des choses pour elle ensuite. Mais je pense que ça permettrait de durer plus longtemps et d'arriver jusqu'à la durée Effectivement, on a un auditeur qui va dans ton sens hein, en disant que peut-être qu'une des causes de l'éjaculation précoce, c'est le stress, c'est cette pression mise sur ça. Et en même temps, qui est le premier à réagir en disant « si ma compagne se masturbe à côté de moi, j'ai l'impression de ne pas avoir fini ». Oui, alors ça va souvent de pair avec les personnes, enfin les hommes qui vont souffrir d'éjaculation précoce parce qu'ils auront toujours ce sentiment qu'ils doivent satisfaire leur partenaire. Ça, c'est aussi quelque chose à déconstruire. Ils doivent la satisfaire avec leur pénis. C'est ça. Voilà. C'est bien. Voilà. Hein? Oui, non, c'est ce que j'allais dire. C'est bon, hein. Ouais, ouais, c'est hein? ça. J'apprends. Hein? Ça y est, ils sont en communion. Qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, ouais, c'est ça. C'est, encore une fois, tout est centré chez l'homme, beaucoup le pénis, le membre viril et la puissance. Et on ça. Comprend, c'est depuis qu'il est tout petit. Mais oui. On parlait de la masturbation, un petit garçon qui se masturbe ou un enfant, un adolescent, on va le laisser en paix, on va au contraire bien. Enfin, certaines mamans, ça se dit encore ou pas, ou je ne sais pas, de trouver les draps souillés. Ça y est, mon fils, ça y est, c'est un. Ouais, alors qu'une fille, on ne va même pas évoquer le fait qu'elle se masturbe alors qu'elle commence avant les garçons, hein, à l'âge de 11-12 ans, de manière volontaire, et plusieurs fois par jour, autant que les garçons, en fait, hein, en mettant en place des fantasmes autant que les garçons. Alors on va continuer l'émission, avant de faire une pause musicale, on va peut-être donner un petit peu les causes. Qu'est-ce qui cause l'éjaculation précoce? Puis après notre extrait, ça sera quels pourraient être les remèdes. Voilà, on va essayer de donner des conseils. Et puis on va lire un petit peu aussi ce que nos auditeurs nous disent tout au long de l'émission. On va transformer les noms, mais ils se reconnaîtront. Je vais l'appeler Gilbert. Je ne sais pas pourquoi. Alors il nous dit se masturber, oui, mais pas n'importe comment. S'installer, prendre son temps, utiliser un lubrifiant, recréer les conditions de la pénétration, c'est important et ça peut aussi limiter, voire éliminer la précocité. Donc en fait, c'est s'expérimenter à l'acte sans l'acte et donc dans les conditions de ça. Donc voilà, il nous disait effectivement, quand on passe à l'acte, c'est alors des fois c'est très pulsionnel, on réfléchit pas à l'endroit et au moment et à la façon et tout ça, mais c'est vrai que dans la majorité des temps, on s'installe, on attend que la lubrification, enfin on attend pas passivement, hein, on se caresse pour qu'il y ait une lubrification qui se fasse, pour que ça soit agréable pour tout le monde. Et effectivement, peut-être que la masturbation peut aussi reproduire ces façons de faire. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Michel qui nous dit « Autant il est quasi acquis que la masturbation solo soit déculpabilisée dans la société d'aujourd'hui, autant la masturbation solo étant en couple garde un côté non verbalisé, culpabilité, point d'interrogation, ménagement de l'autre, point d'interrogation, préservation de son jardin secret, de son indépendance sexuelle. Et saviez-vous, mesdames, qu'il nous arrive de nous masturber à 13h pour être moins excitable et plus endurant en votre compagnie à 21h? La masturbation altruiste. On en parlera. Est-ce qu'il faut se masturber avant pour durer plus longtemps? Dans les cas des éjaculations précoces, c'est pas forcément toujours le bon remède. Justement, c'est quelque chose qui se met en place chez les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Elles vont se masturber, enfin, c'est une des possibilités, une des choses qui se pratiquent, pour pouvoir ensuite évacuer ce premier jet, on va dire, et pour pouvoir être plus disponible, moins sensible. Il y a beaucoup de sensibilité qui a été peu travaillée. Souvent, tu demandais les causes tout à l'heure, il y a une éjaculation précoce primaire et secondaire. La primaire, elle vient vraiment de l'enfance. Ça va être une masturbation qui aura été faite à la va-vite, culpabilisante, dans une éducation psychorigide. Ça va être des causes d'ordre psychologique, évidemment. Il peut y avoir des causes physiques. Et là, je suis pas suffisamment spécialiste, je suis pas médecin pour pouvoir aborder ça. C'est plutôt les causes psychologiques, éducatives. Et quand le garçon va se masturber, il va le faire déjà avec une idée de culpabilité. Vite fait sous la douche, vite fait. Voilà. Alors, j'avais lu aussi que physiologiquement, alors là, on est sur les hormones, l'hyperthyroïdie pouvait aussi malheureusement favoriser l'éjaculation précoce. Donc, c'est vrai que si ça pose problème, si ça pose problème dans votre couple, c'est vrai qu'une des façons, on en reviendra après, mais c'est d'aller consulter. Voilà, il faut quand même toujours consulter parce qu'il peut y avoir quand même, enfin, quand c'est primaire, quand le garçon sait que ça a toujours été comme ça, et c'est rarement une cause organique. C'est plutôt quelque chose qui s'est mis en place avec le temps, comme je viens de le décrire juste avant. Mais quand c'est secondaire, ouais, ça peut être une atteinte organique, physiologique, et c'est bien d'aller consulter, ouais. On a Jean qui nous dit « Moi, je distingue deux sortes de précocité chez l'homme. Ça serait cool qu'elle dise ce qu'elle en pense. » Donc, je pense parle que de c'est toi. Ce que tu... Dû au stress, donc ouais. Voilà, mais en tout cas, tu as pu répondre, genre en moins de 10 secondes, et c'est effectivement ce que tu as pu répondre tout à l'heure, ou quand le rapport dure vraiment pas longtemps, quelques minutes, et là, c'est parce que tu n'as pas su te retenir par rapport au plaisir. Ça, tu nous as donné pas mal de, d'explications alors, par rapport à ça. Quelques minutes, c'est pas de la précocité. C'est, il peut y avoir des rapports rapide, parce que c'est voulu par les deux personnes, parce qu'il y a une montée de l'excitation, et puis voilà, c'est la précocité, c'est pas ça. Les personnes qui vivent la précocité font bien la différence entre un rapport. On va couper tout ça, pardon. Il aime bien ce soir un petit peu nous faire des surprises. Des fois, la coupure au courant, je peux te dire que c'est pas moi qui l'ai prévu. Mais oui, j'ai une petite page qui s'est ouverte avec du son. Justement, j'étais en train de regarder sur les facteurs de risque. Donc plutôt fréquents chez le jeune adulte, hein, mais voilà, tu pouvais en parler aussi. Les troubles de l'anxiété, anxiété, phobie sociale, syndrome d'hyperactivité aussi. Ouais. Un changement de partenaire, la pression de je connais le corps de l'autre et là je découvre quelque chose. Il y a Mais c'est temporaire dans ce cas-là. Voilà, ça c'est ne temporaire. Durera pas. L'hyperthyroïdie peut favoriser les troubles de l'éjaculation. Et encore une fois, voilà, c'est des troubles de l'éjaculation et c'est irréversible. Ça, en tout cas, ça peut. Il y a des techniques, il y a des choses qui peuvent aider. Déjà des consultations, mais il y a des traitements. Il y a voilà, on en parle un petit peu, des préservatifs qui aident aussi à ça. Des pratiques, hein, telles que le tantrisme aussi. Des pratiques. Qui aident vraiment à pouvoir, si le but est vraiment de durer dans le temps. Mais je crois que c'est peut-être là-dessus que nous on voulait insister aujourd'hui, c'est que. Lâcher un peu la pression de la performance et se dire, même si le rapport dure peu de temps, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de plaisir et qu'il n'y a pas d'autres moyens d'accéder pour les deux. Pour les deux ou les trois ou les quatre, peu importe le nombre que vous serez à ce moment-là. Mais que les deux peuvent accéder au plaisir autrement et ne pas voir la sexualité que du pénis, que du génital, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour, hein. Eh bien, on continue d'en discuter et puis on donnera aussi aux auditeurs qui ont envie, alors que ça soit de lutter contre l'éjaculation précoce ou retarder même l'éjaculation, quelques techniques, quelques idées pour pouvoir améliorer tout ça. En attendant, ça sera Running Up That Hill de Kate Bush. Petit souvenir. Bon, cela ne me regarde pas. Donc, qui avait choisi ce titre? Vous m'avez dit, c'est toi ? Emma. Ah, c'est Emmanuel. Mais je le validais. Comment ça, tu le valides ? Parce que ça me rappelle. Toi aussi, c'est des souvenirs ? Aussi, ouais. Bon, je vais laisser les auditeurs penser que c'est des souvenirs communs entre vous. Imaginez, c'est trop bien d'imaginer. Allez, Running Up That Hill de Kate Bush. C'était donc Kate Bush avec Running Up That Hill. Ah, ça fait du bien aussi quand même. C'est vrai. Bon, très bien. Pour le moment avec ma playlist, donc bon, en même temps c'est elle qui en choisit. je contente les deux personnes avec moi. On était sur l'éjaculation précoce, vous êtes dans Moiteur et Tremblement, on est encore ensemble, allez, une grosse vingtaine de minutes. Autour de l'éjaculation précoce, on a vu que voilà, il y avait des causes surtout mentales, surtout dues au stress, surtout à nos représentations, et voilà, et tout ce cercle vicieux de la performance du temps fait qu'au final on arrive de trop vite. Voilà. Et donc il faut réussir à se libérer de tout ça, et c'est vrai que les conseils qu'on donne toujours au final dans toutes les pratiques, mêmes, en fait, hein. C'est vraiment le dialogue et l'amour, ça se fait à deux, et même quand on est en éjaculation précoce, et ben on est avec un partenaire. Donc il y a aussi, tu disais, une forme non, je vais pas dire responsabilité, on va pas dire ça. Mais en tout cas, il y a une attention particulière aussi du partenaire par rapport à son mari, à son homme, à son amant éjaculateur précoce. Il y a aussi tout un travail à le rassurer, le déculpabiliser, en discuter. Ouais, et aussi le rencontrer. Les sexologues aiment rencontrer le partenaire parce que parfois, ils se rendent compte que dans l'attitude du partenaire, il y a dans l'éducation du partenaire, il y a aussi un non-investissement de la sexualité. D'accord. Et ça vient alimenter cette éjaculation précoce qui est arrangeante. Ah, et c'est aussi, ça arrive assez fréquemment que des couples se constituent autour de ces deux types de personnalités. Il s'agit de couples hétéros, hein, là, quand on parle comme ça, entre une femme qui n'est pas attirée par le sexe et un homme qui est éjaculateur précoce. Et ces couples-là, se construisent de manière, évidemment, ça fonctionne. Et dès lors que les enfants, ou la quantité d'enfants attendue est suffisante, on va pouvoir se détourner définitivement de la sexualité. Ça donne prétexte, en fait. Ça donne prétexte. Ça justifie les investissements. L'homme éjaculateur précoce, lui, veut continuer. Enfin, j'imagine, peut-être que c'est de la volonté, l'objectif de la femme, mais est-ce que lui continue pas à la désirer, à vouloir pratiquer C'est-à-dire que son attitude à elle, qui n'est pas attirée par la sexualité, aura tendance à accentuer le problème. Mais oui, parce qu'au final, de temps en temps, pour faire plaisir, elle acceptera de passer à l'acte, et donc lui qui attend depuis peut-être 1, 2, 3, 4 mois, j'en sais rien, on va dire, quelque chose, et bien au final, c'est le moment. Et c'est le moment, c'est donc stressant si c'est le moment. Et donc, si c'est pour faire 10 secondes tous les 6 mois, c'est vrai que c'est difficile. Voilà, ça c'est une des choses aussi. Ouais. Hein, c'est une des méthodes, enfin, une des conseils, un des conseils qu'on va donner aux personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, ça va être la fréquence. La fréquence. C'est pour ça que la masturbation, dans ces cas-là, ça va être très utile. Ça va être un allié, parce que d'une part, on va apprendre à se désensibiliser, et d'autre part, on va apprendre à associer à un acte sexuel la dimension érotique par le fantasme, qui est le moyen, tu parlais du tantrisme tout à l'heure, qui est moyen de repousser le plus possible l'éjaculation physiologique, voire même de la faire disparaître. Ah oui. Trouver un orgasme sans éjaculer. Oh là là. Écoute, je connais une très bonne orthophoniste. Ah oui, d'accord. Bah écoute, je me renseignerai sur le tantrisme parce que voilà, c'est des mots que je connais, mais j'ai pas fait de recherche dessus. C'est vrai que c'est des concepts qui nous paraissent plus éloignés, en fait, hein, pour nous, je pense. Mais ça revient un peu au fond du problème, c'est toujours se dégager d'une finalité. En fait, moi, je crois que dès qu'on sort un peu la sexualité d'une finalité, on a déjà gagné beaucoup de choses, que ça soit chez l'homme ou chez la femme, qu'on est déjà dans une recherche de partage et que ça, peu importe, voilà. Tant mieux, comme on disait tout à l'heure, l'orgasme à deux en même temps, comme dans les films, tant mieux. Mais si c'est déjà un bon moment, si c'est déjà... Aussi, faire confiance à l'autre. Moi, je crois qu'on parlait tout à l'heure, le deuxième dans cette relation-là, dans cette compagne qui peut-être inconsciemment se satisfait de ça, et il trouve un prétexte pour éloigner la sexualité. Mais ça peut être aussi lui faire confiance à cette partenaire. De se dire, même si, allez, j'ai un problème physiologique et je ne peux pas durer dans le temps, je peux lui faire confiance autrement et on va le partager aussi autrement, je crois. Que... Alors, il y a un auditeur qui nous dit un truc très intéressant, il nous dit l'éjaculateur précoce. Alors, c'est pour ça que, pour le coup, moi, j'aime pas trop dire l'éjaculateur précoce, parce que là, ça le définit et il est ça. Ouais. Donc, on va dire que l'homme souffrant, alors ça, c'est plus loin à dire, mais l'homme souffrant d'éjaculation précoce n'a a priori pas de problème avec l'érection. Il pourrait alors relâcher la pression, oublier son pénis en lui faisant confiance. Mmh. Faire confiance en son pénis. Mmh. Il va être là, il ne va pas me lâcher. Mon érection va être bonne. Et puis voilà, donc, il saura faire tout seul sans qu'il s'en préoccupe, ça peut aider. L'éjaculateur précoce pourrait aussi prendre les choses en main pendant le rapport sexuel, qu'il y ait pénétration ou pas, et donner son rythme, faire varier le rythme, s'arrêter, recommencer, jouir quand il veut, voire attendre son ou sa partenaire. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on me disait tout à l'heure, plus on fait, plus on se connaît et plus on va connaître justement le moment où il faut voilà, jouer avec nos limites. C'est quand même tout ce jeu érotique qu'on parlait. Et là, pour moi, c'est la vraie définition de l'érotisme. Mmh. Savoir jouer sur cette limite-là. À quel moment, même la femme, hein, je pense que on parle beaucoup de l'homme, mais même la femme peut aussi avoir envie de jouer un petit peu avec ses limites et avec à quel moment elle lâche prise ou pas. Après, dans les techniques qui peuvent exister, hein, parce que bah oui, c'est un problème. Alors, tu disais un homme sur trois qui consulte hein, dans la société, un homme sur cinq. Hein, donc au final, même il y a beaucoup de gens qui ne consultent pas, mais qui en souffrent tout de même. Donc voilà, on parlait des rythmes de rapport. Effectivement, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement et veux dire comme la course. On parle jardinage, tiens, on va parler un petit peu sport. Je veux dire, on fait un tour de piste, on est soufflé, c'est terminé. Et puis au fur et à mesure, on en fera deux, on en fera trois. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, on parle du sport en chambre vulgairement, mais je pense que c'est une pratique physique, physiologique, qui dégage des hormones et tout ça, comme le sport. Donc effectivement, le rythme des rapports. On voit de plus en plus hein, de publicité d'ailleurs pour des préservatifs par exemple qui justement jouent sur cette durée, alors des préservatifs qui permettent à la femme d'arriver plus vite et à l'homme de se retarder. Donc ça peut être une bonne pratique. Maintenant, il faut qu'il y ait l'acceptation qu'il y ait ce préservatif dans un rapport de couple. C'est pas forcément toujours évident l'utilisation du préservatif dans un couple. Au-delà des dimensions de protection contre les maladies et de contraception, voilà, qui sont vraiment un objectif principal du préservatif. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres objectifs dans un couple pour utiliser le préservatif, hein, que ça soit l'hygiène d'après rapport, hein, c'est vrai que ça solutionne. Et puis justement, ce genre de préservatif perd un petit peu certaines sensations au niveau du pénis qui permet de ralentir l'éjaculation. Par contre, c'est vrai que qui dit produit, alors des fois il y a même des crèmes hein, qui existent ou préservatifs, et il y a perte de sensations. Et c'est vrai qu'on va, si c'est pour durer plus longtemps, mais au moment de l'orgasme avoir moins de sensations, je pense que je sais pas si le rapport qualité-prix il est intéressant. En fait, il n'y a pas de règle. Non, non, mais après, voilà, c'est au-delà de ça, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le message qui est sous-tendu par cette pub, un petit peu la femme plus vite, le garçon plus lentement. Ouais. Il y a l'objectif. On est toujours dans une performance. Voilà. On est toujours dans ça. Et du coup, comme quoi, même dans ces publicités pour les préservatifs qui se veulent un peu décomplexer, on reste quand même sur un objectif qui est que l'homme dure plus longtemps et que la femme arrive plus vite. Et puis on vend et le produit. Là où on joue justement sur ces pensées limitantes et sur justement il y a que ça. Il y aurait que ça comme solution. Et puis c'est le produit qu'on va vous vendre aussi. Hein. Il y a la dimension commerciale très aussi. Commerciale. Hein. Et puis voilà. Donc en même temps, ils ont trouvé la solution. Je vais acheter ça. Mais en même temps, c'est pour cacher le problème. C'est un artifice, hein. Si au final c'est de dire je contente ma partenaire, c'est-à-dire que depuis que j'utilise ces préservatifs, effectivement, elle arrive à l'orgasme avant moi. Et puis moi, au final, des fois, j'y arrive pas parce que je ne sens absolument plus rien au niveau de mon pénis. Au bout d'un moment, je pense que ça va gonfler le mec aussi d'utiliser ce genre d'outils. Au-delà de ça, je te dis, il y a d'autres choses à faire. C'est le message. Et je me dis, dans l'absolu, quelqu'un qui va y croire tellement à cette pub, parce que on est en souffrance, comme toute personne en souffrance, on va prendre un truc qu'on nous propose un peu comme le Graal, le Messie. Et si même avec ça on n'y arrive pas, je me dis que ça doit être encore pire pour la personne qui souffre déjà. Oui. De se dire, voilà, même avec ce fameux truc que j'ai payé, que j'ai consommé, c'est ça. Trop bien. Ça marche pas, putain, ça j'avais acheté une boîte de 16. Voilà, c'est horrible, 16, je pense, pour le moral. Du coup, on continue à se fourvoyer sur le faux problème. Ouais. Alors, d'autres techniques, et là, on repart sur la relaxation, la respiration. Voilà, apprendre à respirer. Encore une fois, c'est comme le sport, mais apprendre à respirer pendant l'acte. Et c'est vrai que quand on est stressé, quand on est tendu, puis même dans certains moments très très sportifs, on tout ce qui est l'apnée, un petit peu être en apnée, tout ça. Et en fait, tout ça, ne favorise plutôt les tensions musculaires qui favorisent justement l'éjaculation. Donc après, apprendre à se détendre, à respirer. Et c'est vrai que gémir. Grogner, râler, crier, même pour un homme, chose aussi encore qui est difficile hein, pour un homme d'accepter de faire des bruits, faire des sons. On disait quand on a eu l'idée de faire l'émission, c'est dit tiens, ça va être sympa qu'on cherche des bruitages. Et en fait, dans les bruitages, on ne trouvait que des bruitages de femmes. Comme quoi l'excitation n'était que par le son féminin. Voilà, et on entend les tennisman par exemple qui crient. Alors, c'est un phénomène de mode et tout ça, mais en fait, non, il y a des préparateurs physiques qui expliquent. Et c'est qu'on libère les tensions. Ouais, on libère les tensions, ça nous évite d'être crispés. Et donc, voilà. Après, c'est la technique. Donc, il faut respirer, il faut tenter. Alors, peut-être que les premières fois, ça sera assez mécanique. Et puis, mais ça peut être drôle. Mais ça peut, en même temps, on en revient à ça. Mais pouvoir rire mais oui. En attends, faisant l'amour. Attends, je respire. Voilà. Une bonne crise de rire. Ouais, alors les techniques, oui, c'est vrai. Mais les techniques, il y a des sexologues qui vont conseiller beaucoup de techniques comme ça, alors de respiration, de rythme, de graphique. Graphique. Ouais. Alors on tient un petit cahier de fréquences, de durée, et donc on note de manière scrupuleuse pour pouvoir voir une progression. Et c'est comme si on se donnait un. Comme un entraînement, quoi. Voilà, comme un entraînement. Mais alors, c'est une approche, mais finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme si on continue à contourner le problème. C'est plutôt la dimension érotique à développer qui va permettre davantage de se dégager. Moi, j'y crois beaucoup plus, en fait. Ouais, parce que même respirer, se détendre, en fait, on reste avec le problème qui est central, moins visible, mais central. Alors que si on l'oublie, si on pense vraiment à autre chose, parce qu'on n'est plus concentré sur ce pénis qui doit rester présent, en fait, c'est plutôt cette dimension-là. C'est plutôt se décentrer ou changer le point de vue. Ou c'est plutôt cette... Mais c'est vrai qu'on a... Franchi me fait toujours rire. Hein. Oui. Détends-toi. Oui. J'ai toujours trouvé ça très très drôle de se dire détends-toi. Et c'est vrai que c'est très efficace. Le lâcher prise ne viendra que quand il est possible. C'est pas quelque chose qui s'ordonne. C'est-à-dire que les techniques qui peuvent exister un peu au final artificielles, alors que quand on est avec son partenaire et qu'on on est dans le naturel, mais l'artificiel peut marcher sur une période à court terme. Oui. Voilà. Mais effectivement, si on est toujours en train de se dire j'ai l'artifice, et je vais faire l'amour avec mes artifices, effectivement, on oublie l'essentiel qui est l'amour et qui est justement l'érotisme et le tout partage. Ça. Et donc voilà, après, toute une liste. Et d'ailleurs, ça peut permettre de juste reprendre confiance en soi, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on peut être aussi dans des relations multipartenaires et pas avoir le temps de développer ce truc-là. Et pourquoi pas si c'est dans une recherche de reprendre confiance en soi, mais sans oublier l'autre. Quoi. Moi, c'est juste ça qui me gêne en fait dans le côté performance. C'est que je trouve qu'on oublie vite l'autre. Il y a d'ailleurs chez les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce une tendance au papillonnage. Et ça va être une attitude qui va correspondre à une limite physiologique. Et donc, ils vont être identifiés comme des personnes qui papillonnent. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont cette difficulté. Et dès qu'ils vont rester en lien avec une personne, elle va se révéler, elle va être visible. Donc, ce sont des hommes qui vont avoir tendance à être connus comme des personnes qui papillonnent. Alors qu'en réalité, ils ont cette difficulté non avouée. Ouais. Et beaucoup dans les hommes politiques, hein, même Napoléon ou tout ça, il disait beaucoup là qu'il n'avait pas à satisfaire sa femme, et je pense qu'il avait des multiples maîtresses, mais oui, dans l'histoire, on a des cas qui existent. Ce qui montre bien que c'est par le lien qu'on va révéler, et si on révèle, alors on va pouvoir transformer. Alors, ils disent aussi dans les techniques, c'est intéressant parce que dans les rapports qui sont un petit peu, on dit artificiels, ils disent que voilà, faut un petit peu proscrire et puis voilà. Mais par contre, dans l'intimité et dans le jeu, il y a l'histoire du self-control dans un premier temps, c'est-à-dire que le stop and go, c'est-à-dire que voilà, donc c'est l'homme qui décide du rythme et qui dit attends, voilà, il faut le dire, attends, moins vite, stop. On recommence à mon rythme. Enfin voilà. Et puis on se lâche. Puis au final, c'est l'homme qui va guider son rythme et le fait de guider et que la partenaire suive en toute confiance. Et ben effectivement, ça peut participer à la relâche, à la détente. Et puis voilà. Ou là, il y a aussi le squeeze. Alors, c'est-à-dire qu'au moment où on sent qu'il pourrait y avoir une éjaculation, c'est de pouvoir mettre une pression ferme à la base du gland. Donc et ça en fait ça met un petit coup d'arrêt en fait justement à ce qui pourrait arriver comme voilà quand on a envie d'éternuer on se frotte en dessous du nez ou au-dessus du nez on a des techniques pour pas éternuer là c'est un petit peu la même chose l'image là est particulière sur l'éternuement mais en tout cas cette technique là et puis après voilà ça permet de dire voilà puis on peut même faire discrètement hein en sortant on se presse la base du gland et puis on repénètre à nouveau et puis on est reparti pour quelques secondes de plus ou quelques minutes j'en sais rien mais en tout cas ça peut rentrer dans le fonctionnement et puis que ça devienne naturel mais c'est vrai qu'après l'idée c'est d'arriver à d'autres choses et si c'est vrai que ça persiste et que ça handicape les consultations sont les meilleurs moyens d'y travailler. Non, je disais des petits conseils aussi sur. Oui, tu as vu le conseil de Michel. Voilà, qui dit que c'est vrai que de penser à n'importe quoi d'autre qui vous fait débander, hein, pour les hommes, on va parler. On a le droit à cette heure-là. oui, hein, la vieille grand-mère, Elisabeth II dans le cas présent. Mais il ne faut pas trop débander quand même. Mais voilà, c'est ça, c'est quand même. C'est ça la limite. Effectivement. Non, je pense que la masturbation, si on n'a pas été clair dans notre message, quand on dit qu'on milite pour ça, c'est que oui, c'est efficace aussi pour ça. Et c'est, voilà, là je reviens aussi pour les femmes, c'est de toute façon, plus on se connaît, plus le couple va trouver, va savoir rebondir. En fait, et va pas se laisser arrêter par ça. Je crois que ça aussi c'est important parce que ça peut être aussi une souffrance pour la partenaire de beaucoup de questions, de pas se penser au niveau, de vivre avec une forme de frustration, une partenaire. Donc peut-être qu'on n'en parle pas assez, hein, de ces partenaires qui vont se sentir un peu mises de côté ou frustrées et qui vont aussi désinvestir la sexualité. Donc la réinvestir par la masturbation, c'est aussi la solution pour la femme. Je crois qu'il faut arrêter de penser que c'est de le voir un peu de côté trop dichotomique, en fait. Mm-hmm. C'est soit que le problème de l'homme, soit que le problème de la femme. Non, c'est le problème à deux. C'est un problème à régler à deux, qui peut venir de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, la résolution, ça viendra à deux. On approche la fin de notre émission de Moiteur et Tremblement. On va te remercier en tout cas d'être venu aujourd'hui, d'avoir éclairé nos lanternes sur la masturbation, sur l'éjaculation précoce et puis surtout sur des ateliers qui existent, hein, les ateliers du cabinet de curiosité féminine. Donc on met le lien, on a mis le lien sur la page Facebook, hein, donc tu animes. Mais pas tout seul, il y a d'autres personnes aussi avec toi. Il y a un prochain atelier qui se déroule le 14 octobre à Roubaix. Donc allez voir sur la page hein, cabinetdecuriosité.fr. Et puis le lien est sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, osez, allez-y, seul, en couple. Ou à plusieurs. À plusieurs. Allez-y, en tout cas, l'ambiance est plutôt sympathique, détendue, ouais, non jugeante. Ouais, ouais. Hein? Non jugeante, oui. Mais oui, sûr. Si on veut être détendu et si on veut que ça aille plus loin. c'est important. On a nos auditeurs qui nous laissent des petits messages et qui sont très contents justement de ton intervention. Donc on te remercie via aussi. Bien, moi, si tu as envie, tu pourras revenir avec grand plaisir réitérer ce petit moment de partage. Parce que c'est bien ça aussi cette émission. C'est du partage. Sans donner de leçons, c'est pour ça. Alors, comme on disait, on n'aime pas donner de leçons dans cette émission et pas donner d'ordre injonctif. Peut-être sauf pour la masturbation. Essayez. Allez. Là, j'ai envie de milite. Là, je milite. Là, allez. Et je disais, et je relis alors notre auditeur qui dit, mettez-vous dans les conditions. prenez du lubrifiant, prenez le temps. C'est aussi apprenez. Prendre soin de vous. Il y a aussi le muscler son. On a un périnée aussi nous, et donc il faut aussi apprendre à le muscler pour mieux le détendre justement dans ces moments-là. Donc la masturbation où on essaye d'aller au-delà de la limite, et puis voilà, en pensant à qui on veut. D'abord, qu'on veut, hein. Je pense que voilà, on milite pour pouvoir se masturber librement. Et moi, j'aimerais juste conclure avec la phrase que Emma nous a lue en off tout à l'heure de redonne-moi le nom, voilà, de Woody Allen. Et j'ai envie de vous laisser méditer avec cette petite phrase. Vous quittez là-dessus jusqu'à. Alors, c'est vrai que là, pour une fois, on a fait un petit bug. Ça devait être une fois par mois et les premiers lundis du mois. Là, on a. Il n'y a pas eu un bug, je travaillais la semaine dernière, j'étais à Beauvais. Et tu ne voulais pas venir à Beauvais, dans cette belle ville de Beauvais. Oui, ça ne m'envoyait pas de rêve. Ça passe aussi par le fantasme, par l'émission. Donc effectivement, aujourd'hui, on était le deuxième lundi du mois. Donc on se retrouve le premier lundi du mois de novembre, qui sera le 6. Voilà. Donc jusque-là, vous méditez sur la phrase de... Woody Allen, qui dit « La masturbation, après tout, c'est une façon de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime bien. » Voilà, il n'y a que ça qu'à dire, comme dirait Ribéry. Et donc, un dernier titre avant de se quitter. On se dit au revoir, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à continuer à participer, à poser des questions, à nous donner des idées de thèmes aussi que vous voudriez entendre dans l'émission. Ça nous fait plaisir, envoyez-nous des messages. Et là, ça sera un genre de slam, on va dire, d'Arthur H., l'arbre. Écoutez les paroles et je pense que ça peut faire monter l'excitation et on vous laisse dans votre intimité, on coupe les micros. On se retrouve le mois prochain. Pour l'instant, c'est l'arbre d'Arthur H. Au revoir. Bisous, bisous. Je me suis dévêtu pour monter un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mise à cheval sur une fourche écartée en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sous ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause de fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors, je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau. Just because when this went dead, when tit went dead, when set went done, when the morning gone, when step went stone, when we come home, when done the path, then free at last. Just because that is what we believe that a free body wants. That what makes then free should stop now. Just because that is what we believe that a free body needs. Thank you. Thank you.